peut dire que la croissance de cet homme, on peut dire de façon générale d'ailleurs le bonheur de l'homme, me paraît menacée par un certain nombre de dangers. J'en vois trois en gros qui sont les principaux. Il y a d'abord, ça tout le monde le sait, l'explosion démographique qui est la pollution numéro un. Ce lapinisme galopant ne peut pas durer non plus indéfiniment. Il n'y aura pas de place matériellement pour tous les êtres humains dans quelques centaines d'années si la reproduction des êtres humains se poursuit au rythme actuel. Ça, c'est un physicien anglais fait un calcul pour s'amuser. Pour savoir combien il y aurait d'êtres humains au mètre carré dans un certain nombre de siècles. C'est des calculs stupides, c'est pas possible intérieurement ça. Il ajoutait d'ailleurs, ce qui était assez amusant, qu'on arriverait quand même à loger tous ces gens en recouvrant la planète, je dis bien la planète et pas les continents, d'un seul immeuble qui n'aurait, ajoute-t-il, que 2000 étages. Et à ce moment-là, tout le monde serait heureux. Mais il paraît que ça poserait des problèmes thermiques extraordinaires, cette juxtaposition de mammifères dans un immeuble géant. Bon, alors, l'explosion démographique, bien sûr. Et puis alors, l'installation d'une civilisation, je caractérisais tout à l'heure, qui est à certains égards inhumaine, profondément inhumaine, parce qu'elle a opté, elle a fait des choix. Elle a opté pour le plus contre le mieux, c'est-à-dire pour la quantité, plutôt que pour la qualité. On pourrait aussi dire pour l'avoir, plutôt que pour l'être. Et alors ça donne des hommes vides aux mains pleines. Eh bien, des hommes vides aux mains pleines, c'est pas ce que j'appelle l'homme complet, ce serait plutôt des hommes pleins de quelque chose de vrai et de beau, même s'ils n'ont pas les mains pleines. Et puis alors il y a un certain nombre, tout ça on peut grouper, un certain nombre de caractères de l'homme actuel qui ne sont tout de même pas favorables à l'éclosion d'une humanité améliorée, si je puis dire, enfin, pacifiée, équilibrée, fraternelle. Ce sont des choses qui vont de soi, mais enfin, on peut le rappeler, cet appétit de la puissance, à tous les niveaux, à tous les stades, bien entendu, depuis l'individu jusqu'à l'État, les excès de l'orgueil, également à tous les niveaux, le mépris de ce qui est différent. Nous avons beaucoup de peine à admettre que d'autres êtres vivants soient d'autres hommes, et aussi d'autres êtres vivants, parce qu'il faudrait faire entrer les autres êtres vivants dans le tableau, soient différents de nous. Nous ne comprenons pas qu'il puisse y avoir plusieurs modes de vie et également légitimes, plusieurs types de civilisation. Nous parlons toujours de la civilisation avec un C majuscule, et qui, comme par hasard, est la nôtre. C'est quand même curieux comme démarche intellectuelle. Il pourrait bien. Il y en a d'autres d'ailleurs. Mais nous avons de la peine à les accepter comme tels, comme. Nous avons toujours une tendance au palmarès. Nous voulons toujours serrer les choses, faire des hiérarchies, dire que celui-là est meilleur que celui-là, ce pays-là, etc., cette race-là. Mais non, tout ça, c'est la même chose. Nous sommes tous sur le même plan. Alors là, je pense qu'il y a deux idées générales qui pourraient favoriser l'éclosion de l'homme. C'est d'abord cette notion de totalité, l'unité des choses et des êtres. Le globe terrestre, c'est un système unique et clos, et fermé d'ailleurs, à la surface duquel rien ne se trouve en quantité indéfinie. C'est pour ça qu'il faut d'ailleurs économiser un certain nombre de choses, même l'eau. Mais ça va plus loin de songer au cosmos. Eh bien, l'unité du cosmos, cette idée que tout, à l'intérieur de l'univers, se tient. Et ça, il n'y a que les poètes qui savent ça. Et qui l'ont dit, d'ailleurs. Il y a un poète anglais qui est très, très connu, qui s'appelle Francis Thompson, qui a dit « Celui qui cueille une fleur dérange une étoile ». Mais c'est une idée merveilleuse, magnifique, cette idée que, à l'intérieur de notre système cosmique, tout agit sur tout. D'ailleurs, j'ai retrouvé exactement la même idée dans Victor Hugo, d'ailleurs pas dans un poème, dans Les Misérables. Je cite de mémoire, Victor Hugo dit quelque part dans Les Misérables, qui oserait affirmer que le parfum de l'aubépine est inutile aux nébuleuses. Il y a quelque chose comme ça, mais c'est exactement l'idée de Francis Thompson, l'idée de l'unité de tout ce qui existe à la surface du monde. Et quelqu'un disait aussi, si je connaissais le tout de quelque chose, je saurais le tout de tout. Ce qui veut dire que si quelqu'un connaissait les secrets d'un grain de sable, il aurait le secret du cosmos. Je crois aussi qu'un deuxième élément, c'est la sympathie. La sympathie, la capacité d'apprécier les autres. Et quand je dis les autres, c'est pas forcément uniquement les autres habitants de Paris ou les autres membres de ma famille ou mes autres compatriotes, ni même les autres êtres humains à la surface du globe. C'est également les autres êtres vivants. Parce que j'ai le sentiment que là aussi, l'unité devrait jouer et que sans le respect des autres êtres vivants, c'est-à-dire des animaux, et on sait comment l'homme se comporte vis-à-vis des animaux, c'est effroyable quand on a le courage de regarder dans le détail, les animaux et les plantes, le monde vivant, le respect de la vie. Celle-là s'appelle Boulamite. Du pied sur le bois farant, le petit rouge, la flamme en transe, la boucane qui danse, les petits yeux du visage, et que se répande l'odeur de la chaîne, et que se répande le son de la guêpe. La chandelle éclaire le coin du lait. Asseoir en feuille les volamètes, ah oui. La chandelle éclaire le coin du lait. Asseoir en feuille les volamètes. Sur ma table, des morceaux de vie éparpillés. Des morceaux de vie, des belles années. Pis dans ma tête là, je sais pas, genre à blast, de bloué, y'a ramachouis et y'a gawaï. Oh madame, et puis tourne, mon esprit tourne, ça cogne à plein de bruit, à plein d'idées jolies, ça fait tout plein de jus d'idées jolies, ça fait du jus de joie. Hey, ben assis. La flamme en transe, la boucane qui danse, les petits yeux luisants, et que se répande l'odeur de la chaîne, et que se répande le son de la guêpe. La chandelle éclaire le coin du lait. Assoir en feuille les bonhamines. La chandelle éclaire le coin du lait. Soir en folle les bolamètes. Ah, ça brûle autour de moi. Le feu de la chandelle, la flamme de ma vie, feu mon paternel qui me regarde aller, je sais. Ah, pis ma petite coupe Stanley voudrait à côté. L'ambiance est survoltée ce soir dans le forum. Et je crois, Gilles, ne pas exagérer en disant que ce phénomène n'est pas étranger à la nette domination du Canadien sur les Nordiques. fleur derrière son filet. Prends bien son temps. Hein. Rochefort en donnant le disque. Il trébuche lamentablement, Gilles. Semble avoir du mal à se relever, Gilles. Gilles, je crois que ses patins sont détachés. On envoie le soigneur des rôtis nordiques au secours de Rochefort. Il trébuche lamentablement son tour. La fleur a presque terminé sa deuxième cigarette. Et les voilà qui cèdent le disque à boucher. Quel patineur, Gilles! Le voilà qui décampe. Il est absolument incroyable! Il déjoue Peter Stachny. Il déjoue Anton Stachny. Il déjoue Marianne Stachny. Il déjoue Michel Petit. Et Bergeron, qui n'en peut plus, décide d'envoyer tout le reste de son équipe sur la patinoire. Boucher déjoue Hunter. Il déjoue Pat Price. Il déjoue Risto Siltanen. Il déjoue Wally Weir. Il y a maintenant trois gardiens devant le filet des Nordiques. Gilles, j'ai du mal à voir. Je crois qu'il s'agit de Clint Mollard-Chuck, de Daniel Bouchard, ainsi que de Mario Gosselin. Boucher maintenant seul en zone adverse. Il déjoue Clint Mollard-Chuck. Il déjoue Daniel Bouchard. Il déjoue Mario Gosselin. Quelle fête magistrale! D'une grosse époque de madame, la plus jeune elle a une grosse bédaine, 40 semaines. C'est aujourd'hui que commence ma vie, merci, c'est aujourd'hui qu'elle suspend la sienne. Bang! Grand-maman, elle avait fermé la porte du taxi, sa tête à ma mère. Ça fait encore mal. Ouais. Et ce fut le début d'une pas pire épopée. Je vous en ai raté des petits bouts incongrus. La chandelle éclaire le coin du lit. À soir, on fouille les bols à lit. La chandelle éclaire le coin du lit. À soir, on fouille les bols à lit. À Blas d'Abloué, Yarana Chouiz et Yagawar. Oh, madame, oh, madame, oh, madame, oh, madame, oh. Une épopée, une épopée. À Blas d'Abloué, Yarana Chouiz et Yagawar. La flamme en transe, toi, Mazan. Une épopée, une épopée. À Blas d'Abloué, Yarana Chouiz et Yagawar. Et que se répand de l'odeur de la chaîne. Une papille épopée, à Blas d'Abloué, Yarana Chouiz et Yagawar. Et que se répande le son de la guêpe, une papille épopée. Oh. monsieur de oui, monsieur. Excellent. Excellent, ça, c'est monsieur, ça... Oui, non, ah, voilà, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je suis très heureux de me retrouver ce soir avec vous jusqu'aux petites heures du matin. Salut 2012, adieu, non j'ai adieu 2012, adieu 2012, salut 2013. On est prêt à l'accueillir. Hey, ça là, comment se préparer pour un événement semblable? Premièrement, on prend une douche, faut se laver, signe de pureté, être propre devant une nouvelle année, c'est comme lorsqu'on rencontre quelqu'un là. On sait pas comment ça va se passer. Hein. Ça sonne. Ding dong. 2013 est là, tu dis ouais. Yétan, amène la bûche. Ben non, c'est le 25 la bûche. Oh mon dieu, ben c'est des restants. Mmh. En 2013, ça risque d'être des restants jusqu'à Invitam Purple Man. On n'a plus les moyens financiers. Fait qu'on on va remâcher nos vieilles blagues, nos vieilles farces. Quoique, tu l'as pas toutes mis dans la dinde. Dans la dinde, non. J'ai pas osé, j'ai dit on va regarder pour 2014, 2010, 2015, 2016. On va en faire une plotée, comme on dit chez nous. Une grosse plotée, puis on va congeler ça. C'est plus facile, madame, si vous faites ça dans des petits plots, ouais, on n'y a pas de marque. Des petits pots en plastique. Mais c'est ça. Fait que vous prenez un genre de non, c'est pas un genre, c'est une pesée. Mettez deux livres de farce. C'est l'histoire du gars, des choses comme ça. Puis, vous placez ça dans le congélateur. Puis, vous placez 2013, 2014. Alors, à chaque année, vous farcissez votre tarte. Votre dingue, pas votre tarte. Quoique, ça, on peut mettre ça dans la tarte. Il y en a pas mal de tartes qui gomment n'importe quoi. Pourquoi pas la tarte au sens propre. Alors, heureux de me retrouver avec vous. Et aujourd'hui, je me suis pas fait avoir comme à chaque année, ben un peu. J'ai eu mon histoire de la Tascam qui m'a abandonné. Tascam. Non, c'est pas une nouvelle, une prise de quoi, de Kung Fu. C'est, mais vous, mon Kung Fu? Non, c'est, attendez, c'est comme la turlute, faut que ça vienne de la gorge. Bruce Lee m'a appris ça, moi. En 1900, ben avant de mourir, il était là, vous savez comment ça finit, le pauvre Bruce. Il était pas là-dedans, lui, pas dans la forêt, non, loin de la brousse, le Bruce. Il était dans ma cuisine, puis là, je vous montrais quelques... Parce que c'est grâce à moi si c'était un grand virtuose du karaté, là. Pas pris ça dans une boîte de céréales. Il n'y a pas la nomenclature des prises rénaldiennes là-dedans, là. Ah, sainte... ils osent même pas, eux autres. On dit, il y a un cadeau à l'intérieur, tu l'ouvres... Il semble que j'ai acheté une boîte 7,95$, il n'y a pas de cadeau. Non, faut que tu envoies ton petit coupon. Puis après ça, c'est les frais de manutention sont pas inclus là-dedans là, pour recevoir ton petit bidule qui sert absolument à rien. Ah, c'est... Moi, je mange plus de céréales depuis ce temps-là. Quand juste... À l'époque où j'étais petit... Il n'y a pas si longtemps, Georgette, là, arrête de rire. Là. Continue à brosser ta dent, toi. Elle pense que c'est de la sauce à spaghetti. Ça fait 2h30 qu'elle est là devant son poêle, puis elle tourne la dinde. On sait pas c'est qui la pire des deux dindes. Ah non, quand j'ai une mal de toi, j'ai dit ça sent bon! Ça sent la boulette! Toute une boulette. Ah, sainte. Je pense qu'on va manger de la sauce séchée. Alors, Bruce Lee, on va en revenir à Bruce Lee. Non, j'ai pas perdu le fil, là. C'est pas l'heure où ça se propage. Hein, pardon? Allô? Monsieur? Oui, merci. Ah, de rien. Je sais pas pourquoi il dit merci. C'est un homme poli. Il faut apprécier les gens qui sont polis. Il y a assez d'impolis dans notre société. Quand quelqu'un dit merci pour n'importe quoi, tu dis, ben, de rien. Vous reviendrez, moi, vous leur souhaitez à nouveau. Moi, là, il n'y a aucun problème là-dessus. Je suis le fort sur le merci, moi. Ah, c'est... Bien, lui aussi, hein, une autre fois. Oui, merci. Ben, voilà. C'est un homme de radio. Écoutez-moi cette voix-là, là. Oui, merci. Non, on n'aura pas de station qui pourrait utiliser une voix semblable. Mais, Bruce Lee, ouais, on l'a pas oublié. J'ai de grands bœufs dans mon étable. Alors là, il était là sur la table de cuisine, essayé. C'est pas du break it down, ça là. C'est du. C'est de les prises que je vais t'apprendre. La prise du sommeil, celle qui ne pardonne pas. Alors écoute bien, tu prends ton partenaire, ben c'est pas partenaire, c'est plus violent que ça quand t'es. C'est comme la boxe, hein, la lutte, c'est ton adversaire. Ça, c'est plus méchant, adversaire. Partenaire, c'est pour la danse. Hein. Un, deux, toi. Mais là, l'adversaire, c'est. Tu veux le décapiter, lui, là, hein? Tu veux que ce soit lui qui perde! Tandis que l'autre, ben, c'est ton partenaire, hein. Il faut que tu passes bien. Donc, hey, c'est beau. Moi, je regarde ici devant moi, il y a un arbre illuminé. Il me dit, hey, il y en a un qui est plus brillant que l'autre, hein. C'est beau, ça. C'est qui? C'est la ville de Québec qui nous a illuminé ça, là. C'est quoi? C'est pas hydro. Qu'est-ce qui fonctionne là-dedans? C'est un pédaleux. Un monsieur ici en avant qui pédale pour faire allumer les lumières. C'est merveilleux. Bravo. Bravo, monsieur. Continue à pédaler. Bravo. On n'arrête pas le progrès en 2012. On va peut-être l'arrêter l'année prochaine. On sait pas. Tout est... Bon, Bruce Lee, je le sais. Voyons donc, calmez-vous. On a le temps. On va se déboucher de l'espérance jusqu'à 6 heures, si tout va bien. Ici, la voix flanche, madame, mademoiselle, j'ai amené ma pastille. Ben, mes pastilles au pluriel. Mes pastilles. Histoire de récupérer une voix comme radiophonique. Et ne pas perdre l'élan, puisque j'ai tendance à avoir l'octave pas crémaisie, mais passablement aiguë. Hein? Octave crémaisie, la connais-tu? Belle salle, il y a sonorité numéro 1. Ah, comme ici à CKRL, là, écoutez-moi ça. C'est, hein? Non, ouais, c'est, ben c'est ma voix qui est de même, c'est pas la... Ouais, ils ont tout capitonné ça, regarde. Oui, oui, quand c'est capitonné. Oui, merveilleux. Hey, là, ce soir, madame, mademoiselle, là, les gens... Ouais, mais monsieur, il y a des messieurs qui t'écoutent, mon petit champion. Oui, je sais. À vous aussi, je vous salue. De bien bas. Histoire. Faut commencer par le bas pour remonter, hein, et puis comme ça, s'élever... En dehors, quoi. On peut-tu s'élever en dedans? Ben oui, à la maison, c'est plus chaud. Hey, il va faire moins 53, là, cette nuit, là. Les oreilles vont vous... Si vos oreilles tombent, OK, ça peut arriver, le nez, tout le reste, tout ce qui est corporel, là, placez ça, promenez-vous avec votre sac en plastique. Allez à l'urgence, ils vont vous recoller ça, c'est très simple. Mmh. Faites pas ça à la maison, là, les gens mettent de la colle blanche là-dessus. Ça tient pas! L'année dernière, et mon nez est descendu, je l'ai eu sur la langue, hein, me mouchait avec la langue, là. C'est dur, mon champion. Ah, c'est... T'as pas l'air trop brillant, hein? Peux-tu sentir si c'est bon, tu te tires la langue? Ah, ça, c'est bon. Ah, c'est très bon. Tu l'as fait cuire hier. Ben oui. Alors, amenez ça à l'hôpital. L'hôpital a la colle qui va avec. Ils connaissent la colle. Posez l'ordre. Ben moi, là, je suis comme ça, moi. Je prends tous mes renseignements sur Internet, mon hôpital. Je dis, c'est-tu vrai, madame, que la syphilis... Ben, je sais pas ça, moi, là. La syphilis, je sais même pas ce que c'est, là. Mais est-ce que c'est vrai que la syphilis, ça donne 352 points au Scrabble? Hé, la madame, hein, l'infirmière, hein, te regarde, elle dit, voyons donc. C'est 8e étage, il est psychiatrisé. Non! La syphilis! Prenez pas là, l'article ne fonctionne pas. Syphilis! Parce qu'il y a SCC, FFI, CCC, FFI, CCFI, syphilis. La syphilis, ça donne autant de points au Scrabble? Hein, madame? Là, ouais, Bruce Lee, les gars veulent attendre. C'est quoi l'histoire de Bruce Lee, là, hein? As-tu de montrer des prises, là, pour... Oui, très simplement. J'ai mon Bruce, t'es un amateur, là, regarde-moi. J'ai le corps du dieu. On n'a pas les dieux qu'on avait, mais ouais, mais là... Écoutez, vous avez créé votre dieu à l'image de ce gras souillé personnage qui fait de la radio. C'est bien un dieu gras. Bouddha, là. Bouddha, c'est un homme bien portant. Ben, un homme, c'est un être. C'est un symbole bien portant. Moi, j'en ai placé un, là, sur ma table de cuisine. Je trouve que ça fait sérieux. À côté de Bruce Lee qui fait... Là, je dis, toi, tu t'excites trop, là. À un moment donné, là, tu vas mourir, là. Prends ça, relax. Tout part par la bouche. Faut que tu impressionnes. OK? Même si t'es pas fort, l'autre va avoir peur. C'est sûr que si tu fais... Ben là, il va dire, ouais, OK, c'est ça, cette affaire-là. Qu'est-ce qu'on a fait avec ça? Alors, impressionne, OK? Tu cries. Puis s'il sauve pas, ben là, tu dis, ouais, on va être obligé de frapper. Moi, là, frapper là-dessus. Regarde-moi la jointure. J'ai toute la jointure molle. Ah, c'est... Ouais, ben au début, hein, faut faire de la corne. Fait que tu tiens ça sur du bois, hein, tu te frappes la molécule. Enfin, ça commence à durcir un peu, mais en fait, ça saigne après. Ça fait une croûte 2, croûte 3, croûte. Moi, je vous conseille, après 12 croûtes, là. Ouais, la tarte, c'est assez. Une feuilletée, c'est merveilleux, mais là, l'autre, c'est autre chose. Là. Fait que je lui ai montré plein de stratégies pour voler, pour recevoir les coups, surtout les recevoir, parce que dans la vie, on en reçoit plus qu'on en donne. Ah, alors, je suis heureux de vous retrouver ici ce soir, en direct. Là, les gens se disaient, hey, lui, là, attention, là, rapproche-toi du micro, ils disaient. Là, il fait ça chez lui, cette émission-là, il rentre en Indienne. Quand c'est pas bon, là, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit couper, hein? Il doit faire du montage. Y'a pas de montage! Comme maintenant, pas croyez-vous que je peux faire, là? Regarde, c'est pourri depuis le début. C'est pourri. Mais je continue. Il y a des moments dans la vie où il faut commencer par le début et finir par la fin. Hein, c'est beau, ça? Je peux-tu prendre ça en note, madame, mon crayon? Non, mais j'ai une secrétaire. Prenez ça, ouais. Début, mourir par la... Ouais, fin. Pas F-I-N. F-I-N. Comme les films de Western, à la fin, c'est fin. Papa. Hey, c'est vrai. Lorsqu'on regarde des films actuellement, on ne voit plus au générique le mot fin. Fait que là, les gens au cinéma restent collés, là. Pas terminé, c'est pas écrit fin. Ouais, mais il y a le générique. Ben ouais, mais c'est pas écrit fin. Ben ouais. Là, l'ouvreuse vient dire, monsieur, c'est terminé. L'autre présentation dans 15 minutes. Ben non. Où j'ai vu écrire le mot fin, moi, là. C'est un film de Godard. Je sais même pas si c'est commencé. On m'a pas prévenu. Je connais pas ça, le genre de film-là. Moi, c'est des... On appelle ça quoi? Nouvelle garde, nouvelle vague. Je suis même pas fait mouiller, voilà, là. Je n'ai même plus une goutte d'eau. Pas une goutte d'eau sur moi. C'est quoi, la nouvelle vague? C'est parce que ton intellectuel fonctionne. Quand ça fonctionne, tu sues. Quand tu sues, ça fait de l'eau. Donc, ça fait des petites vagues dans ton cerveau. Ah, monsieur... Méchante vague, moi dans mon cas, il n'y en a pas. C'est le nirvana total. Kurt Cobain! Non, c'est pas ce nirvana-là. Nirvana-là. Monsieur le Président, on a eu des problèmes avec... faut le dire au public, faut pas se cacher non plus, là, avec la technique, là. Ma technique à moi, parce que je ramène ça chez moi. Là, je vais faire du montage, puis... Je me suis dit, ouais, faut capter. J'ai amené des synthétiseurs, 3-4 synthés, des mixeurs. Il n'y a rien qui fonctionnait. Il me restait 15 minutes à rentrer dans le micro. Non, dans la radio. Hey, madame, avez-vous ouvert votre radio, puis vous vous placez devant, là, actuellement, là? OK? Regardez devant le petit... Bon, on dit des haut-parleurs, mais je vous vois, moi, là. OK, on y va. OK, on dit bonjour. Bonjour. Wow. Des beaux sourires. Monsieur le Président, Ouais, je souriais pas. Était là avec son grand œil. Quoi, son grand œil? Ben oui, il est ouvert, hein? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, il y avait un point d'interrogation dans son front. Monsieur le Président, un petit coup de sifflette, ça réveille le peuple. Eh, monsieur, ça casse les oreilles. Deux verres de cassé. T'avais rien mis dedans encore, ma petite Gertrude? Non, j'essaie de trouver mon punch. OK. Non, j'en veux plus de punch, moi. J'en ai eu tout là. C'est tout le mois de décembre, on m'a punché le même, là. Monsieur le Président, Messieurs les pâteaux catholiques, mesdames les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rénaldienne. J'ajuste mon son pendant ce temps-là, c'est merveilleux, personne ne s'en est rendu compte. Moi, un petit peu, hein, j'ai vu que vous aviez monté, baissé. OK, merci. Bienvenue, ouais, parce que je parle pas devant le micro! C'est nouveau, les micros? Non. C'est nouveau, le micro. Oh, Madame Thibault! C'est nouveau, le micro. Madame Micro! C'est Thibault, le micro. Thibault, le micro! Oh, on chantera plus. Madame Micro! Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même, à Errance Rénaldienne. Aujourd'hui, c'est spécial. Ça tourne, hein, parce que... c'est... Prendre de la respiration par la bouche, puis finir par le nez. OK. Mais le nez, c'est... Moi, c'est... L'année dernière, ça a tombé sur la langue. Ils me l'ont collé, mais c'est moi-même qui me suis autocollé. Ça... C'est une longue histoire. Je l'ai raconté. Aujourd'hui, le 31 décembre 2012. Adieu 2012. Salut de... Redondance ici, mon cher élève. Là, je peux lire lundi 31 décembre 2012. Adieu 2012. Les gens savent, là. Les gens sont des êtres intelligents, ils sont pas comme toi, là. Ils ont capté l'essence, hein, mon dieu. Moi, dans la vanille, là, je me suis fait encore attraper parce que j'ai fait mon petit gâteau. Tu parles juste de nourriture? Ben, c'est ce qui me tient en vie, moi, la nourriture. Voilà. pas de nourriture, là. Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, quand l'appétit va, quand l'appétit va, tout va. Aujourd'hui, le 31 décembre 2012, adieu 2012, salut 2013, vous présente plusieurs routes pour nous et entre nous. Avant de l'oublier, monsieur, oui, est-ce que je peux mettre la cassette? Mettez la cassette, injecteur! J'espère que c'est pas le vent qui va se mettre à sauter. Non, non, tout va bien. Il se met même pas. Il s'est placé là. Ils l'ont collé. Il savait que... Merci. Premier disque. Ça va bien? Oui. Les enfants vont bien? Oui. La famille? Oh, oui. Rita s'est lavé les cheveux hier. Ah, mon... Toi, c'est un grand moment, là. Grand moment. Grand moment, Thérèse! Non, pas cette grand-maman. Y a-t-il une grand-maman Thérèse dans ma vie? Non, je ne crois pas. Là, faut enlever ça là-dessus. Programme, SL, Excel, TVP, RDB, THD, on sait pas. Bon, en tout cas, on va voir qu'est-ce que ça donne, hein? Ça devrait s'enchaîner. Hein? Enchaîne-toi, appelle-moi et dis-moi que tu m'aimes. Vous présente plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, avez-vous descendu? Remarquez la technique. Du haut en bas. Alors. Confions la boussole au gestionnaire de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. La caméra va bien? Oui, tout va bien. Hey, tout ce que vous entendez sera disponible sur Internet dans quelques heures, quelques jours, au plus tard, vendredi! La langue à terre, lâche la langue, là, c'est la langue des chenoux. C'est une langue belle, avec des mots superbes, qui traversent ses accents, elle, ça, hein. Le parfum des... de la ventre, la grande escarpe, je suppose que c'est la grande escarpe, ça doit être... Parle pas de ton ignorance, OK. Alors, laissons sur la chaussée les valises trop lourdes. J'irai voir sur Pimpernet. Les problèmes liés au boulot et aussi boulot, confions la boussole au gestionnaire. Ah, le micro est là. OK. Apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Montre-moi ça, cette affaire-là, oui. Oh yeah! Vous entendu? Je me sens comme le poids vert, là, quand tu l'appelles. Mais le poids vert. Le poids, le ciel. Non, non, c'est celui qui... En tout cas, le plus fort du monde, là. Poids? Ouais, il y a deux poids, trois mesures, moi. Regarde ça. Mesure. Moi, c'est centilitres, millilitres. Je le dirai pas à l'autre parce qu'il y a peut-être y a, le troisième doit m'écouter. Ah, c'est un groupe qui vont au front. Alors, oublions les embarras familiaux, l'école. On comprend rien! Ben oui, avez-vous le décodeur, monsieur? Merci beaucoup. Avez-vous le décodeur? Hein, les piles sont à temps, même sur mon... Ah, faudrait changer ça, là. Tu parles d'une idée de tomber à plat. Bon, ben ça peut lui arriver. Peut-être que moi, pendant 14 heures, à un moment donné, je serai à plat. Et je pourrais m'auto-faire le bouche-à-bouche. M'auto-faire, ben, m'auto-satisfaire. En faisant le bouche-à-bouche, ah oui, ah oui, ah oui. On verra. Ce sera vu sans doute sur Internet, un peu partout. Un peu partout. Apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de 6 extra-humanistes. Là, les gens vont... J'ai voulu écrire extra-humaniste parce que ça allait m'allumer pour extra-terrestre, extra-sympathique personnage, extra... francophone que j'ai rencontré en 2011-2012. Puis moi, comme je suis avant mon temps, en 2013. Mais non, t'as pas rencontré quelqu'un en 2013? Oh, oh oui. Avant que l'année arrive, moi, je rencontre des gens. Ah, c'est, comme là, c'est, je me suis couché tout à l'heure, là, parce que j'ai travaillé la nuit dernière. J'occupe un autre emploi dans un sauna. Et je suis là, comme d'habitude. Comme d'habitude! Alors, un voyage chargé pour cette... Oui, alors donc j'ai rêvé, c'est ça, à quelqu'un qui est décédé, donc je vais vous parler de lui, parce que ça vient pas de rien, là. Il y a un message! Il s'en vient! Ben là, il est mort! Ben oui, il reviendra, je soulignerai son apport à la au niveau artistique. Alors donc, des gens extra-humanistes que j'ai rencontrés. C'est le fil qui me dérange, madame. Pouvez-vous tirer ça? On va vous tirer le fil, ça sera pas long! Comme ça, ça c'est merveilleux. Je peux mettre mon petit... Ben, les gens savent pas ce que tu mets là, c'est... Oui, oui, oui, mon petit coude. Pour me relaxer un peu, là. Fait du bien, hein. On s'appose le coude, on est comme prêt pour affronter les mots. Alors, Marcel Amon que nous entendrons, Philippe Bertrand, homme de radio, que vous avez entendu aux trois quarts, parce que la première rencontre que j'ai eue avec lui, premier segment, nous étions en train de replacer les antennes de CKRL, donc la captation n'avait pas eu lieu. Et j'ai trouvé important de vous amener, mon ami

charmante et très belle. Elle n'est surtout pas trop rebelle, malgré ses ailes de brasier. Oh, Michaela, oh, Michaela, oh, Michaela, je peux noirement en tiendrant son visage, un petit nez, une bouche sensuelle. Sans compter ce que tâche son corsage, on reconnaît la belle Michael. Wow! Michael, appelée Michael. Elle est très charmante et très belle. Elle est surtout pas trop rebelle, malgré ses airs de demoiselle. Oh! Ensemble! Dans la rue le dimanche, pour se rendre à cœur joie au ciné, en voyant la cadence de ses hanches, tout le monde se retourne étonné. Oh! Elle est belle, elle est très charmante et très belle. Elle n'est surtout pas trop rebelle, malgré ses airs de brasé. Oh, plus fort. Oh, Michael. Oh, Michael. Vous qui avez le cœur en chômage, venez voir Michael. Le cœur généreux, elle soulage les chagrins et les peines. Elle s'appelait Michael. Elle est charmante et très belle. Elle est sûre de pas trop mal, malgré ses ailes de brasier. Oh, Michael. Oh, Michael. Oh, Michael. Oh, oh, Michael. Merci, mon rosaire! Merci, mon rosaire! Hey, oublie pas d'ouvrir! Ah oui, c'est vrai. C'est comme, hein, lorsqu'on frappe, on frappe à la porte. Simulation, Rita, simulation, s'il vous plaît. Comme au théâtre. Le thé. Non, pas le, non, c'est pas le temps du thé, madame, pas ça du tout, le théâtre. Thé. Le théâtre! La scène! Le bois! Le bois rond, c'est tellement rond ce bois-là là, que les gens glissent dessus, se cassent la bargoulette. Combien d'actrices et d'acteurs ont laissé leur rôle là-dessus pour être pris entre deux pitounes? Et moi, j'ai été dans Don Juan. Ah, oh, c'est... ouais, je sais, j'ai pas le physique de l'emploi. C'est plutôt un rôle de Bourville, moi, là. Le voleur de pervenche, il est encore en prison. Ben, c'est pas ça. On m'a dit, et toi, là... On a besoin d'un drôle de troubadour. Donc, on va te prendre. On va te placer sur scène et tu vas faire Don Juan. Moi, je connais pas les répliques, moi, là. Mais pas besoin. Il y a un souffleur. Où est-il, le souffleur? Là, j'entendais. Je comprends pas ça, moi, le souffleur. Ça souffle pas. C'est asthmatique. Hey, souffle-moi quelque chose. Je comprends rien. Pardon, c'est vrai, il faut pas dire en théâtre, il faut dire pardon. Pardon, mais dans la vie aussi, hein, c'est pas poli dire rien. Les enfants, si vous nous écoutez, bonjour mon ami, c'est Réré. Réré le dégénéré, mais là, il est très gentil. Hey, c'est un dégénéré très gentil, la pitoune a tombé, aïe donc. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben là, on referme ça, attendez madame, on peut-tu passer à de la musique? Non, on devrait pas, on y va. C'est quoi, c'est parce que ça a décollé, et quand ça décolle, c'est jamais beau. Oh, on va passer à de la musique. Non, on passe pas de la musique, mon petit champion. On y va comme ça, ça va faire ça, et voilà. Bon, c'est pas plus grave que ça. C'est même très grave, mais peu importe. Peu importe si c'est pas grave, monsieur. Ça peut retomber en tout temps, peut-être, on verra. Jamais 203, mais là, c'est la deuxième fois. Là, ici, qu'est-ce qu'il disait, donc? Ben oui, Don Juan, blablabla. Ouais, mais là, c'est... J'ai été contrarié par un problème technique. Quoi? Technique, ouais. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil Contes et nouvelles. Bref, cessons l'introduction et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. Ouais, je sais que c'est des phrases répétitives. Je peux vous dire pourquoi. J'ai pas eu le temps d'en recopier de nouvelles, mais c'est à venir. La première phase, c'est à 3h du matin. Là, faut se mettre dans l'époque, là, à l'heure où le texte a été écrit sans doute par mon ami Charles. Charles, qui est un ancien vidangeur, un ancien... il faisait quoi dans la vie? Donc aussi, il était boucher. Travaillait dans des boucheries, a travaillé dans plein de choses. Un homme à tout faire, qui a jamais pu vivre de sa plume, sauf peut-être aux trois quarts de son existence. Il y a une jeune étudiante qui l'a reconnu. Et as-tu entendu ça? Oui. Oui. C'est la venue! La genoux, c'est là. La genoux! OK. À 3h du matin, le téléphone sonne. Ça, c'est... Hein? Ça, c'est frustrant. Surtout pour les gens qui dorment la nuit, là, hein? Ça fait réveiller à 3h du matin, ça peut pas être pire que ça, là. Ben, 3h15, 3h, ouais, donc c'est la même mot, là, c'est la nuit. Ça fait réveiller la nuit. Par le téléphone. Quand c'est tes enfants qui sont malades, ben là, tu dis oui, ben, c'est ton rôle de parent. Mais le téléphone, qui m'appelle à cette heure-là, là? Quel énergumène! Quel est... Tu sais, t'es déjà en boule, là, t'as la rogne, tu veux tuer la personne à l'autre bout du fil, tu sais même pas c'est qui. Ça peut être une mauvaise nouvelle, là. Ton chat Fido, juste s'appeler de même pour un chat, c'est assez frustrant, c'est pas facile. Ah, moi, j'ai voulu l'appeler... Ketchup. Oui, oh, et puis, ben non, il était pas assez rouge. je me trompais de nom régulièrement, il était blanc. Là, on a été voir une chapoteuse. Non, c'est une tapoteuse. Non, regarde, non, une pour les animaux. Je sais pas, l'animalerie. Non, les gens qui font de la coiffure pour les animaux. Oh oui, une toiletteuse. Oui, une toiletteuse. Quoique, moi aussi, c'est une toiletteuse qui me coupe les cheveux. Regardez, j'ai l'air d'un caniche. Là, à chaque fois qu'elle me voit, elle me dit « Salut, Fido ». Elle aussi. Mais ketchup pour un Fido, là, c'est pas une bonne idée. Puis il s'est toujours pris pour un chien. Puis, ah, mauvais poil. Alors là, j'étais un peu comme ça à 3h du matin quand le téléphone s'est mis à crier après moi. Moi, ça fait pas... Ça fait « Réveille-toi! Réveille-toi! » Fait que là, j'arrive au téléphone. En fait, je suis le fil. Quoique, le fil de mon histoire est coupé et concis régulièrement. Hein? On l'a à trois endroits. Non, ça se disperse. Hmm? C'est un peu comme du spaghetti. Bon, vous savez, ouais, je peux pas parler du spaghetti. Je peux pas m'empêcher de parler du spaghetti une fois dans l'émission. Quoique, on risque d'en reparler. C'est ma vie, moi, le spaghetti. Pas de spaghetti, pas de vie. Alors, on peut suivre le spaghetti, mais à un moment donné, ça se divise en deux. Spaghetti divisé en trois parce que ça, vous avez pas fait attention, vous l'avez pas touillé, brassé, touchant, bon. Si vous le touillez, il y aura pas un spaghetti. Ça collera pas. Mais si c'est malheureusement entrepris, entrelacé, c'est bien beau. Oh, c'est plus beau entrelacé, madame. Prends ça en note. Entrelacé. Je suis très lassé d'écrire ça, ce mot-là. Là, c'est long, ça. En fait, si ça colle, alors vous voyez qu'il y a comme des divisions. Ben, c'est un peu comme ça, moi. L'idée peut partir à droite, à gauche, dans le milieu, mais je préfère à gauche. Je sais pas pourquoi. Moi, j'ai une préférence pour la gauche. Mm-hmm. J'aime ça, la gauche. Je suis gauche de nature. J'ai une gauche entière. Oh! Ouais! Moi, je me suis dit en 2012, mon petit champion, c'est le temps de me payer une gauche entière. Et puis, mais c'est grand, hein? Pas de tapis, pas de mur. C'est comme un gros... une garçonnière, une grosse garçonnière. Ben voyons donc, c'est qui, c'est la grosse garçonnière? Ben, c'est un endroit, c'est une chambre, un studio. Moi, on appelle ça une garçonnière. Oh! Hey, t'appelles ça par un nom quand même très peu commun. Comment ça, c'est pas commun? Pas parce que tu connais pas ça que ça existait pas. Hey, ça, T'as raison. Fait que 3h du matin, le téléphone sonne dans ma carcenière. Tu sais, on est rendu maintenant. On sait même pas où on était au début, là. On était dans un lit, téléphone, bring, bring, bring, bling, à un moment donné. Oh, rien, rien, rien. Quelle couleur les murs de la carcenière? Moi, ils sont noirs. Version Gainsbourg. Pourquoi ces murs sont pas blancs? Parce que dans les asiles psychiatriques, les murs sont blancs. Ok, lui. Ah ouais, du noir. Moi, c'est noir foncé parce que le noir pâle, ah, ça me tombe sur le flottant. Ah, je regarde ça, ces murs-là. On dirait qu'ils me rétrécissent dessus. Là, hey, les murs, les plafonds, là, ça revient sur moi. Là, un peu comme un livre de comment tu l'appelles? Voyons, celui qui fait la Hurla. Et Kafka, la Hurla de Kafka. Tout petit livre. Vous pouvez lire ça là, en m'écoutant. Là, ça, en 45 minutes, vous allez le terminer. Hurla, c'est H-U-R-L-A. Hein? H-U-R-L-A. Oh, H-U-R-L-A. Comment t'avais... C'est pas U-R-L-A, c'est H-U-R-L-A. OK, oh, oui, oui. De qui? Hey, tu m'écoutes pas, toi, là, là. Kafka, Kafka. Le plus connu de Kafka, c'est la Métamorphose. Bon, mais il a fait aussi une petite nouvelle. Et 3h du matin, le téléphone sonne. Vous voulez savoir qu'est-ce qui était au bout du fil? C'était mon grand... Parce que lui, 3h du matin, ça n'existe pas, là. Il est 9h pour lui, là. C'est Marcel Lamour, mon ami Marcel. Fait que là, je suis plus du tout violent. Je dis, oh, salut Marcel, comment ça va? Il dit, oh, Rénal, moi, ça va très bien. Là. Je fais des spectacles un peu partout en France, en province, piano-voix, voix-piano. Je chante, je crée de l'humour. J'amène les gens dans une certaine... un climat qui les rend sereins. Mais voyons, Marcel, à t'entendre, là, t'es vraiment l'être. Oui, je suis l'être. Hey, mais je le savais, moi, Marcel. Je rencontre pas n'importe qui, moi, Errance Renadienne. Vous étiez l'individu à croiser en 2012. Puis là, je vais vous raconter la petite histoire véridique. Là, je suis sérieux, là. Là, le mur a tombé. Non, c'est le rideau. Là, OK, le rideau. Le rideau est tombé et je vous dévoile la vérité. C'est ben, vous avez cru entendre un peu. Là, bon, Marcel, la voix était un peu étrange parce que c'est dans la voiture de son fils que nous avons fait cette discussion, que nous avons pris cette discussion-là au vol, puisque nous ne trouvions pas de stationnement. Alors lui, il m'a lancé à un moment donné. Ouais, mais on pourrait faire ça dans la voiture. J'ai excellente idée. Puis là, il y a un bifurqué. Il dit, je vais aller voir si je peux pas avoir des billets de stationnement. Puis là, pendant ce temps-là, je branche mes micros sur le tableau de bord. J'ai 3 micros. Mais bon, là, il revient. Pang! Il sait pas encore qu'on va le faire là. Je dis, monsieur Hamon, il y a aucun problème. On est déjà branché. Puis il savait pas. Tantôt, pendant la rencontre, vous allez vous... Je peux pas dire rencontre, vous rendre compte. Oui. Lors de la rencontre, vous allez vous rendre compte. Vous allez voir, vous allez... Non, entendre. Vous allez entendre qu'il ne savait pas que ça roulait. Moi, je suis vite sa pitoune, moi. Ah! Oh, je le voyais arriver de loin. Ping! Je mets ça sur enregistrement. Quoi que c'est pas écrit ça sur mon truc, moi. C'est écrit record. Puis quoi que je fais aucun record, sauf au Radioton, il y a quelques années, j'ai fait un record radiophonique, 50 heures de radio, mais ça, c'est une autre histoire, puis on revient pas là-dessus, là. Hein? Oh! Hey, ça t'a... Oui, mais attends, non, on y va. On y va, on l'arrête pas. OK. Je vais vous raconter une histoire sur deux voleurs de poules. Il y en a un qui s'appelle Chinoir et puis l'autre s'appelle Boboule. Avant de faire le mauvais coup, ils ont pris 5 ou 6 coups. Après ça, ils sont décidés d'aller faire les poulaillers. Ils étaient trop fatigués pour marcher tout ça à pied. Il y a celle-là qui suit le bogey, à Jonquière ils sont allés. Baboule descend le premier pour se rendre au poulailler. L'autre avec un sac sur le dos, vole des choux puis des navots. En rentrant dans le poulailler, le coq s'est mis à chanter. Le bonhomme s'est réveillé avec son fusil étalé. La bonne femme qui est en arrière, elle dit, écoute donc ton père, t'as pas besoin de tirer, tes cartouches sont dans le grenier.

folle d'une idée, toi! Hey, arrête-moi ça demain! C'est ça, la techno, hein? Tu parles à tes auditeurs, hein? Tu communiques via téléphone, via Facebook, via courriel, t'es multi-demandé de partout, puis là, la chanson s'arrête. Et t'as, ouais, la prochaine fois, là, tu me fais un petit signe, hein? Tring, tu lèves le doigt, tring, ouais, c'est le téléphone, oh non, pas encore, tring, ouais, mais mon truc fonctionne pas, hein, c'est, les gens veulent pas savoir si ça fonctionne pas, ils veulent l'entendre, ouais, mais faudrait mettre des nouvelles piles, bon. On va mettre des nouvelles piles. On aurait dû placer ça pendant les chansons. Hmm? C'est dans les chansons qu'on apprend la vie. Il y a dans les chansons beaucoup de leçons. Qu'est-ce qui se passe? Mais là, on cherche les piles. OK, on les a. T'es à droite, à gauche, et voilà. C'est dans les leçons qu'on apprend à lire, mais c'est dans le lit qu'on vit les chansons d'amour. Et c'est dans l'amour qu'il y a des chansons. Là, c'est le temps de fermer la porte. Sinon, on va déranger des voisins. Oh, on a-tu mis ça dans le bon? Oui, on les a. Oui, monsieur, ça va bien. OK, attends, les disquettes, on les voit-tu avec les disquettes? Oh, je ne sais pas. OK, on va oublier ça. Je ne sais pas pourquoi le port Amsterdam. Ta-da-da-dum. On va attendre ça tout à l'heure. On ferme la porte? Oui, monsieur! Parce que sinon, le son... Voilà, j'ai une voix beaucoup plus radiophonique comme ça. C'est de la magie. La magie. L'histoire de la Guadalala. Guadalala. Faut que je vous explique. C'est tout à fait particulier. C'est légal, la Guadalala. C'est... Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est... Ben, ouais, c'est Guadalala. G-U-A-R-A-N-A. Au lieu de boire des boissons énergentes, là, ça remplace le café, la Guadalala. Mais le problème de la Guadalala... Hein? Ouais. Prononciation, ben, ça vient. Mais ça, c'est pour les à l'origine, là, avant que ça nous arrive au Québec. En fait, dans tout pays qu'on dit entre guillemets civilisé, je crois que c'est quand même trop fort comme terme, le civilisé. Je reconnais qu'ils sont pas trop si tu les compares aux papous de Sibérie. Parce que. Hein? Oui, pardon, oui, pardon. Les papous de Sibérie sont des gens extrêmement corrects. Vous leur dites bonjour, ils vont dire « Oh manana, oh manana, oh manana, oh manana. » Ça, c'est leur cri d'accueil. Hein? Lorsque ça frappe à ta porte, là, t'arrives-tu là avec « Oh manana. » Non, non, non, non, non, non, parce que t'es pas un papou de Sibérie. Alors la Guadalala, Guadalala, et monsieur, oh Guadalala, chante avec moi encore une fois. Quand nous avions le temps d'aimer, rappelle-toi. Oh Guadalala. Ces gens-là utilisaient cette... ça vient d'une fleur. Tu dis n'importe quoi, mais non, c'est en fait, ça pousse. Donc, ça vient de la terre. J'aime ça quand ça vient de la terre, là. Parce que c'est lui qui a fait pleurer le ciel. Hein? C'est lui qui a amené la chaleur du soleil. C'est lui. Donc, et puis, ils utilisent ça, eux, encore aujourd'hui, lorsqu'ils s'en vont marcher longtemps pour chasser la gazelle. Non, eux autres, ils vont pas dans les bars pour chasser la gazelle. Eh, monsieur... Les poitous de Sibérie, mon cher monsieur, arrivent avec une lance. Et qu'est-ce que tu fais avec une lance, ma guétade? Moi, je la tire. Ben oui, lance vient de lancer. Tu lances ta lance. Ben, ferme ta bouche, OK? Alors, tu vois, exemple, passer c'est pas le caribou, parce que là-bas, au Guadalala, il y a pas de... C'est pas un pays! C'est une potion qui prennent des plantes, OK? C'est pour les aider à marcher, leur faire tenir... ça va bien, toi? Ça va très bien. Les enfants vont bien, oui. Ils vont prendre leur bain dans quelques minutes, là. Oui, mais c'est pas ça, on parle de la Guadalala. Arrête donc, toi! Ben, voyons donc. Ils utilisent cette potion pour marcher dans les forêts. Des heures et des heures et des heures, presque des jours, avec la lance, l'œil hagard, frémissant derrière le buisson. Mais ben oui, mais là, il va se repérer comme ça, ça brasse là-dedans. Oh, ben non, mais là, c'est... En fait, il repeuple le peuple. Oh, c'est pour ça que ça brasse. Ben oui, va sur les plaines d'Abraham. Ben pas ce soir, là. Ben tu peux y aller, là. Si ça brasse, c'est parce qu'ils ont froid. Mais l'été... Hey, les buissons, ça bouge là-dedans. Ah! Swing le bécaise dans le fond de la boîte à bois. Swing le bois dans le fond de la bécaise. Ah, c'est là. Là, même, tu prêtes l'oreille devant le buisson, là, pis c'est pas juste des branchements que tu vas entendre, là. Les feuilles soupirent. As-tu déjà entendu ça, toi? Ah, mais moi, j'ai l'œil indiscrète. Oh! Et j'ai l'oreille absente. Et monsieur, l'œil indiscrète et l'oreille absent. Oh, oui, moi, dans mon front, c'est écrit « fermé ». Ouais, c'est comme ton QI, ton quotient. Ah, c'est comme ma vie en général, fermé. Fermé pour innovation. Quand ça risque, moi, je peux. Si c'est bien peinturé, bien décoré, là, j'inviterai. Mais si c'est pas comme ça, je resterai là. Ah, oh, et arrête de faire ta clémence, toi. Oui. Le coton, on l'a fait-tu? Oh, t'as juste un succès de clémence. Oui, oui, oui, mais je la connais. Mais vas-y. Déjà, à cette heure-là, ben oui, le coton flotte à boule blanche et vient de se corréler aux cheveux. Dans un temps humide et frileux, une forte odeur d'huilandre. Fidèle aux jours qui vont et passent, comme hier, aujourd'hui repasse, de l'usine à la baisse basse, la grand maigre et la courte grâce. Elles sont habillées de noir de la boîte à lunch au chapeau. Leur bas de leur trop long manteau remis le sable des trottoirs. Elles s'en vont, elles reviennent, deux ombres noires sur fond gris, me font image de leur vie, que dirait-elles de la mienne? Je suis venu au monde seul comme tout le monde. Pour venir à la Guadalala, c'est que je travaille avec le public, moi. Puis il y a une Chilienne qui m'est arrivée avec ça parce que j'avais pas beaucoup dormi, comme d'habitude, la nuit. Puis elle m'a dit « Hey, j'ai quelque chose pour toi! » Mais voyons donc, qu'est-ce que ça? C'est un petit sachet qu'elle a acheté dans un centre commercial que je peux pas nommer. Et elle m'a dit « C'est pas très cher, ça! » Ah ouais, je regarde ça, intrigué comme un adolescent, à la recherche de nouvelles connaissances. Là, je dis « Hey, qu'est-ce que ça? » Elle dit « Oui, là, tu mets ça dans de l'eau. » Puis là, « Oh! » Mais j'avais déjà goûté, hein, j'ai humecté mon doigt, histoire de prendre quelques... Parce que c'est en poudre. Et goûter, c'est brunâtre. Le goût est dégueulasse. Je peux pas mettre ça dans l'eau. Elle dit, ah oui, c'est vrai, avec eau, difficile. Hein? Oh, parce qu'elle parle un peu comme ça. Oh, pas très bon. Puis, bon, je vais rajouter du jus. Du jus, j'aime ça, du jus. Moi, du bon jus, du jus, du jus. Mais là, pas n'importe quel jus. Parce que si je place du jus d'orange là-dedans, dans mon cerveau, à chaque fois que je boirai du jus d'orange, j'aurai... cette étrangeté de guadalala, et je risque de plus apprécier le jus d'orange. Donc, je me suis rappelé qu'il y avait, dans mon entreprise, du punch aux fruits. J'ai dit, ouais, on va attribuer le punch aux fruits à la guadalala, et ça sera un goût presque répulsif, mais pas trop, puisque ça va cacher le goût. Fait que je mets ce sachet de guadalala à l'intérieur. Je bats ça, mais ça se dilue pas facilement. Tu dois au moins pendant 3-4 minutes le faire brasser la guadalala. Là, t'es fatigué, hein. T'es déjà à la base, t'as plus de puissance, t'es plus rien, t'es un moins que rien, t'es un. Hein, t'es une flaque, mais tu continues à brasser, comme je fais là. C'est radiophonique, toi, tu brasses quand même. Ben oui, mais les gens vont le voir. Ben non, arrête de te brasser à la main, les gens voient pas ça. Tu relates une histoire, c'est de la radio. L'imaginaire du public, là, ça part de leur savoir, de leur pensée. T'as pas à brasser, là. OK, fait que là, je brasse quand même. Est-ce que je peux dire que lorsque je touille, je faire le... Non, le geste, pas... OK, pas de geste. Puis là, après 3-4 minutes, là, ça fait une broue brunâtre. Et ton jus qui est rouge devient un peu comme... C'est pas, ça devient pas comme brunâtre. Ben oui, comment ça tu savais ça? Ben là, t'es dans le brun depuis tantôt, OK. Et tu bois ça cul sec, là. C'est 350 millilitres là, de souffrance. Là, après ça, c'est... Ça te saisit. Puis t'es comme un peu plus heureux. C'est-tu légal, ta guanane? Oui, c'est très légal, madame. Ils vendent ça dans les supermarchés, là. Ben voyons donc! Non, mais en tout cas, dans les centres commerciaux. Mais moi, je suis allé sur Internet et j'ai tapé G-U-A-R-A-R-A-R-A. J'ai mis des R-A-R-A. Ça m'a envoyé en Iroquois. Non, G-U-A-R-A-N-A. Sur eBay. Et là, je vois plein de fournisseurs de guanane. Mais là, c'est dans des sachets, là. C'est au kilo, c'est à la livre. Et moi, je me commande, je suis 13 ans, moi, là. 16 onces de guanala. Ça m'arrive trois jours après, ça vient de Trois-Rivières. Je dis, je pensais même pas qu'on cultivait ça. Guanala. J'arrive avec ça, c'est dans un sac. Mais là, comment doser? Tandis que la petite fille du Chili m'avait arrivé, ben, qui reste au Québec, m'est arrivée avec déjà le petit sachet que j'avais à déchirer. Là, je mets une cuillère et demie, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Et t'as trois semaines à guanala, j'étais de bonne humeur, hein? C'est ça, hein? Oh, attention! Don't you want my phone? Don't you want my phone?

escola pra ficar jogando bola. O tempo foi passando e eu avançando idade. Me olhava no espelho e já era um homem de verdade. As brincadeiras de criança ficaram de lado. Não tinha objetivo, mas sempre mantive o sensato. Caminhando, pisando em cascata de ovo. Porque na nossa vida todo cuidado ainda é pouco. Insisto, persisto no que é bom pra mim. Porque a história continua ainda, não é o fim. Vou caminhando, pisando em cascata de ovo. Porque na nossa vida todo cuidado ainda é pouco. Insisto, persisto no que é bom pra mim. Porque a história continua ainda, não é o fim. Meus pais me ensinaram a ter dignidade. E nunca fui uma pessoa de ter dupla personalidade. Sempre caminhando com muita destreza, sabedoria e criatividade pra superar as fraquezas. Sendo simples, valorizando a honestidade. Na construção da moral, essas foram minhas bases. Fui dando os passos conforme o tamanho das pernas. Dificuldade todos passam, mas a gente não se entrega. O olho é só um ponto, mas enxerguei bastante. E a claridade da visão, no entanto, ao meu alcance. Mantendo minha postura e vou seguindo em frente. Indo atrás do objetivo e nada vem de repente. E tendo certeza de que tudo vai dar certo. Otimismo é a chave da porta, esse é o progresso. Batalhando, me expressando, ganhando o pão de cada dia. E com meus irmãos eu quero viver em harmonia. Vai abrindo seu olho e ficando ligeiro. Muitos estão se corrompendo por causa do dinheiro. Estão pensando que o dólar responde por tudo. Já vi pessoas de bem consumindo ilusões do mundo. Apesar dos problemas e das dificuldades, eu continuo plantando a semente da felicidade. Vou caminhando, pisando em cascata de ovo. Porque na nossa vida todo cuidado ainda é pouco. Insisto, persisto no que é bom pra mim. Porque a história continua ainda, não é o fim. Vou caminhando, pisando em cascata de ovo. Porque na nossa vida todo cuidado ainda é pouco. Insisto, persisto no que é bom pra mim. Porque a história continua ainda, não é o fim. Vou caminhando, pisando em cascata de ovo. Porque na nossa vida todo cuidado ainda é pouco. Insisto, persisto no que é bom pra mim. Porque a história continua ainda, não é o fim. MC, ó, não é o fim, não é o fim. Rodrigo Nonato, não é o fim, não é o fim. DJ Magnão, não é o fim, não é o fim. Oficina da Rima, não é o fim, não é o fim. Não beat do Apolo, Pentágono, não é o fim. Não é o Crioulo Doido, não tem palavras, ó, mano. Não é o fim, porque a história continua ainda, não é o fim. Merci, mon ami. Tous les gens que nous entendons à mon émission sont mes amis, mais c'est pas réciproque parce que ils ne savent pas, puis je crois qu'ils veulent pas non plus être au courant de tout ça. Mais c'est leur problème, c'est leur problème. Et cette semaine, oui monsieur, cette semaine et ça, jusqu'à l'épuisement du concept, nous mâcherons, squeezerons, éplucherons des habillerons et poursuivrons à bras de mots celui-ci pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie. Qu'est-ce que tu veux? Exprime-toi clairement. Oui, je sais. Les gens entendent ma... mes onomatopées, ma façon de tenter de dire, je tente de dire l'essentiel, je tente de voir la merveille, la merveille masquée, et la merveille démasquée, ce soir nous l'avons. Trouver les caracoles, ce sont les caracoles sortis. Nous marchons fidèles, fidèles, nous marchons fidèles, amis, de par deux sur les chemins de la rêverie. On n'a pas compris. Quand tu sais pas les paroles, tu remontes la gueule. Le chemin de la rêverie. C'est pas important les paroles, c'est pas important. Il y a des gens qui ont fait leur carrière là-dessus. Tu comprenais pas. Il faut déjà s'accrocher à un mot, puis tu le répètes très bien. Le tour du monde, le tour du monde. Le tour du monde, ouais, c'est bon, hein? Merci. Alors oui, les mots qui m'ont été glissés sous les doigts. Non, c'est sous le regard. Dans l'oreille, dans le tympan. Moi, ça s'est bloqué là entre la première peau du tympan et la dernière, c'est-à-dire le cornet. lui remplis ça de crème à la glace, mon petit champion. De la crème à la glace? Oui, moi, c'est pas de la crème glacée, moi. Ah non, c'est beaucoup moins bon de la crème glacée, c'est trop dur. Moi, de la crème à la glace, c'est avoir deux grosses boules de crème à la glace. Avec du crémage. Oh, combien de... Oh, beaucoup de crémage. Au moins 2 livres de crémage. Et monsieur, ouais, c'est comme ça que je fais mes biceps. Okay. Touche-moi ça, t'as peu. Pose les feuilles, là. Touche-moi les biceps. C'est dur, hein? C'est dur, ça. C'est parce que j'ai mangé pendant 3 semaines de la crème à glace avec 2 livres de chocolat dessus. Comme ça, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. T'as pris un peu de poids. Ben oui, c'est au niveau... Ah oui, mais pas de poids au niveau de la bédaine. Moi, c'est au niveau de la garde du biceps. Puis c'est pas en plein air, c'est pas du poids, ça. C'est du muscle. Du muscle. Du muscle? Du muscle. De l'humus. De l'humus dans le muscle. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai peur de... Non, non, non, non, non. Calme-toi. Oui, merci beaucoup. Mais c'est... Non, c'est à force de lever et de descendre. Lever, descendre, lever, descendre, lever, descendre. Dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou. Le gamme-gamme-gamme-don. Le don du monde et l'eau-dou-dou. Ça va bien après, hein? Après, c'est 2 cornets. Rum, rum, rum. Quand t'es en pleine forme, c'est 3 cornets. Rum, rum. Avec 2 livres chaque chocolat, là. Hein? Les chocolats, hein? 1, 2, 3, 4, ça fait 6 livres. Hey, t'es un vite, toi. Bon, moi, garde vite comme 3 x 2, 6 pour moi. 3 x 2, 6. Je retiens rien, il n'y a plus rien. Alors, rum, rum. Puis là, à chaque fois que tu ramènes ça vers toi, tu prends une bouchée, là. Ça, c'est ta récompense. Moi, je suis comme un petit chien, moi, là, là. Tu me donnes un biscuit? Ben, pour lui, c'est le biscuit. Moi, j'accroche plus au biscuit, à part celui chocolaté avec de la guimauve, qu'on peut pas nommer. Oh, vas-y! Ben non, on peut pas. Ben, c'est connu, là. C'est le meilleur au monde. Je suis fan club Facebook de ce petit biscuit. Je dis, hey, monsieur biscuit, il est né depuis 1929, ce biscuit-là. Quoique, non, 28. Je me souviens même plus parce que je mange la boîte tellement rapidement. Moi, j'ouvre même pas. Je mange la boîte intégralement. Et en passant, je tiens à souligner que si je suis avec vous, c'est... c'est pourquoi? Non, c'est pour divertir. Pour vous divertir, mais c'est aussi pour rejoindre les gens qui sont seuls dans leur chez-soi. Moi, c'est chez nous. Ben, dans votre chez-vous. Ben, moi, chez nous, c'est chez moi. Ben, mais dans votre chez-moi. En fait, c'est pas chez moi, c'est chez vous. Ben, voyons, c'est-tu chez toi ou chez moi? Ben, c'est chez votre... Dans votre demeure. Oh, c'est beau, ça. Dans votre... Dans ma demeure. Et donc, dans les hôpitaux aussi, il y a des gens qui sont seuls et qui s'ennuyaient avant 16 heures, mais maintenant, me voilà. J'ai même envoyé, ça c'est audacieux, mais c'est rénaldien quoi. J'ai envoyé un courriel à la prison ici à Québec, à Saint-Ville. Et puis on m'a réitéré mon invitation en disant que le mot allait être lâché. Alors les prisonniers qui nous écoutent à Québec, ben nous sommes avec vous. Même outre-mer, là, je sais pas, là, non, arrête-moi ça, ok, là-bas, là. Ils marchent dans la brousse en écoutant avec leur baladeur. Ben, ils ont pas de baladeur, hein, imagine-toi, ils sont sa fléchette, eux autres. Ben, puis ça, ils peuvent être sa fléchette, puis sur le câble USB. Hey, c'est important, ça, ce qu'on vient de dire là, là. C'est important. Il y a des peuples, hein, qui chassent encore à l'époque où nous... En fait, moi, t'expliquer ça. Dans ma tête, je vois ça, là. J'essaie de... Ben, vas-y, lâche-toi! Ben oui! Imaginez-vous qu'il y a des peuples actuellement, OK, qui se font leur propre... avec du bois, là, ils font leur barque, leur... comment on appelle ça? Ben, une barque, comme Gulliver. Ah, ici, c'est Gulliver. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est Gulliver. Mon chemin, ce n'est pas un chemin, c'est la terre. Mais ils font eux-mêmes leurs embarcations et vont chasser d'une manière traditionnelle. Mais pour eux, c'est classique, là. Chez nous, on regarde notre câble USB, puis hey, par où ça se branche? La boîte à pain, la boîte aux lettres, la boîte à beurre, on sait plus, il y a trop de câbles USB, puis on sait même plus vers où est monsieur, à gauche, à droite, en avant, en arrière, c'est quoi ça là, là? Hé, à l'époque, on était au câble, là. Hé, il n'y a plus de câble! Il n'y a plus de câble, c'est tout sur la planète, là. C'est des messages qui nous arrivent, là. C'est des faisceaux, c'est du Wi-Fi, Surround Digital Dolby. Tu branches ton cellulaire, tu vas capter n'importe quoi, là. Moi, j'ai des signaux extraterrestres. Je les adore, eux. C'est mes amis. Au moins, on se comprend, nous. Moi, les humains, j'ai beaucoup de difficultés avec ça, mais les extraterrestres, ça va très, très... C'est A1, moi, communication ultra-sensorielle, moi. Quoique, c'est même pas dans le sang, c'est le cerveau qui se met à disjoncter vers le haut. Qu'est-ce que... Ouais, ça fait des belles émissions. Mais, ouais, c'est ça. Et puis, donc, c'est la communication, là. Hey, le peuple, et moi je te dis que le peuple qui souffre beaucoup plus que d'autres, moi tout vous expliquer ça, le branchement USB là, souffre beaucoup plus que celui qui chasse le poisson. Quoi qu'on peut chasser, ben on chasse le poisson, on pêche le poisson, ben ouais, mais pour s'en nourrir, hein, et tandis qu'ici, là, oh, on est informatisé, mais tellement malheureux, tout le monde est informatisé. Bon, on y va avec ça, ouais, c'est défoncé, c'est quoi défoncé, ben c'est le, parce que les gens se souviennent plus d'où c'était, oui, c'est l'atelier d'improvisation, vous êtes à CKRLMF, le 89.1 à Québec, on vous salue. Vous qui êtes en groupe, seul, à deux, à trois, à quatre, écoute... C'est selon vous. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais Renaud dit « Je suis une gang de jeunes, à moi tout seul, je suis une gang de jeunes, je me fends la gueule, mais que nous soyons solitaires ou... ou quoi? Ou pluriel? Oh! Oh, oh! Bienvenue! Alors, cette semaine, OK, c'est... le but de l'émission, c'est de faire une improvisation avec un mot pour savoir si on va le placer dans le château symbolique de la francophonie. Et le mot qui m'a été inspiré, c'est sur le site de CKRL. Lorsqu'on parle de mon émission, en gros titre, le début, le titre, là, c'est « Défoncer l'année ». Oui, je sais pas, c'est quelque chose qui me... Défoncer, là, c'est... Tu sais, on parlait au début de l'émission là, de Bruce Lee, là. Hey! On va frapper, là, hein? C'est un ennemi, on défonce! Tandis que pénétrer, hein? rencontrer l'autre année, bonjour, tu sais, tu serres la main à l'autre, là. OK, 2012 va serrer la main de 2013, OK, continue à faire la merde, là. Il se rend, là. C'est comme un peu la politique, là. Hein, un groupement politique en remplace un autre, c'est la même chose, ça change rien, pas grand chose. J'ai discuté avec un homme de théâtre là, récemment, là, il dit c'est pas parce qu'on a bifurqué qu'on a amélioré notre sort, on n'a pas plus de subventions. Oh ouais, on s'imagine toujours aller vers le mieux, ben c'est normal. On se rend compte que le mieux, c'est le pire. Oh monsieur, alors défoncer, c'est merveilleux. C'est merveilleux, mais c'est puissant comme mot, c'est très puissant. Puis nous, on aime ça, puissant sexe. Père Noël, êtes-vous surpris? Je veux juste travailler. Déjà pour Noël, déjà pour Noël. Ça c'est une plus belle, je promets de garder. Déjà pour Noël, déjà pour Noël. Ça c'est une plus belle, pas besoin d'enlever. Je peux rien faire pour toi, mon vieux. Juste travailler. Un job pour Noël, un job pour Noël. Ça c'est une poubelle, je prends la garder. Un job pour Noël, un job pour Noël. Ça c'est une poubelle, pas besoin de la bloquer.

Et puis j'avais compris quand même qu'il fallait pas exagérer non plus. C'était pas des gens suffisamment riches pour que j'aille fouiller dans le portefeuille de ma mère, le porte-monnaie de ma mère. Bon. Je chantais les chansons, la mode, tout ça, en français, en espagnol, un peu en anglais, dans un petit orchestre. Il s'appelait Christian Bob. Alors, je faisais mon argent de poche. Okay. Les samedis, samedi soir. À quel endroit? Dans des bazars? Tout autour de Bordeaux. Vous savez, il n'y avait pas les discothèques, y avait pas, tout ça n'existait pas. Il y avait le petit bal. Okay. Le petit bal traditionnel qui remontait à la nuit des temps. Ma mère et mon père se sont connus dans un bal de village. Okay. Oui. Alors, donc, on avait ça. Et ensuite, en semaine, bon, j'avais mes cours, et puis j'ai touché mes premières fiches de paye, parce que le petit orchestre, il n'y avait pas de fiches de paye. Mes premières fiches de paye, c'est en tant que comédien. Je jouais surtout les valets de Molière, les valets du répertoire. Et alors, j'ai compris que la chanson, des comédiens comme moi, il y en avait des tas et des tas. Des chanteurs, parce que j'étais gymnaste, des chansons, des types qui marchent sur les mains, qui chantent des conneries, qui sont un peu musiciens, tout ça, il y en avait un peu moins. Et j'ai pensé que je ferais davantage mon trou là. Et quand j'ai fait le tour des activités bordelaises, dans un sens et après dans l'autre, j'ai franchi le grand pas. Et c'est là où je ne sais pas si les Québécois se rendent compte, mais c'était aussi aventureux en 1950 pour un Bordelais de monter à Paris que pour un Québécois aujourd'hui de venir à Paris. C'était pareil. C'était audacieux. Mais c'était audacieux. Et puis moi, j'étais coupé de tout. À Bordeaux, même si mes parents n'étaient pas riches, je l'ai dit, il m'aurait pas laissé crever. Vous aviez une maison. J'avais un toit, j'avais ma chambre de jeune homme et d'enfant. Enfin, c'était plus le même. Mais bon, après, il m'aurait jamais laissé crever de faim. Non. En 1950, la guerre était finie, il y a plus de 5 ans. Fils unique. Fils unique. Ouais. Et commissionné en se disant, oui, ma mère disait à mon père. Alors il était, oui, il veut chanter, mais c'est pas un métier ça. Le fils du voisin aussi, il chante, mais il a un métier sérieux. Ma mère lui dit, Si c'est sa vocation. Ah, vocation. Il était quand même assez... Eh bien, il n'y croyait pas. Ouais, comme beaucoup pour, de personnes. Pour lui, qui n'avait même pas pu passer son certificat d'études, parce qu'orphelin à 7 ans, je fais grâce de tout le détail. Et il était très bon en classe. D'ailleurs, il avait fait des cours du soir, tout ça. Il était secrétaire de la cellule CGT, du syndicat de Bègle. Okay. Et on ne confiait pas ça à un analphabète. Non. Il ne faisait pratiquement pas de faute d'orthographe. Okay. Les accords de participe, il craque. Il avait appris le français, la langue des dimanches, mais il l'avait bien appris. Comme à la bonne époque. Voilà. Et donc, il envoie son fils faire des études. Il dit, regardez-moi, sans doute, il veut faire le clown. Le pitre. Oui, voilà. Et là, tranquillement, vous avez rencontré des gens comme Édith Piaf, comme Michel Aznavour. Oh, mais au début, j'ai rencontré... Oui, alors on faisait le tour des éditeurs. OK. L'éditeur de l'époque, qui était encore à peu près... qui avait à peu près les mêmes fonctions qu'au début du siècle. Voilà. Là, encore une fois, il faudrait chaque fois remonter en amont. Oui. La chanson, bon, pendant longtemps, c'est embêtant parce que, comme je suis très bavard, j'ai toujours tendance... Il ne faut pas non plus que je me laisse aller à passer, vouloir faire mon petit professeur. Mais pendant longtemps, la chanson a été quelque chose d'éminemment populaire. Ouais. On chansonnait sur ce qu'on appelle le timbre. Okay. Et voici l'histoire de l'assassin de la rue de Vavin sur l'air de sur le pont d'Avignon. L'assassin, il a tué la petite vieille, etc. Et au fur et à mesure que le café-concert a été accessible aux petites gens, il y a eu des bistrots qui prenaient des chanteurs et de temps en temps des musiciens. Et le métier d'auteur-compositeur est devenu un métier à part entière. Oui. C'est devenu un part entière qui a généré des droits d'auteur. Il y a des gens qui ont pu vivre de leurs droits d'auteur. Il y a des gens qui écrivaient des chansons et ils touchaient de l'argent. Alors qu'avant, oui, Beaumarchais s'était battu, mais bien avant, des années 17, 18, attendez, Beaumarchais... Ouais, c'est ça, c'est... Beaumarchais contemporain de... Ouais, 18e. Ouais. Voilà, bon. Mais c'était pour les pièces de théâtre et tout ça. Oui, rien à voir avec ça. Moi, je vous parle de la cansonnette. Oui. Et donc, le Cap-Conce, voilà. Et l'éditeur, parce qu'il a fallu à un moment donné arranger, distribuer tout ça, donner des avances aux compositeurs, dire à tel chanteur, à tel auteur-compositeur ou auteur, je te prends, je t'assure tant, travaille pour mettre. L'éditeur était devenu une plaque tournante qui faisait la liaison entre les auteurs, les compositeurs et les interprètes. Alors quand c'était Charles Trenet, auteur, compositeur, interprète, non problème. Mais quand c'était Marcel Amont qui arrive de Bordeaux, j'allais chez les éditeurs et je regardais. Je disais, voilà, je suis bordelais, j'arrive de Bordeaux. Et là, j'ai rencontré des gens. Ils disaient, dis donc, il va au Vavin, rue Vavin, ça doit exister d'ailleurs. Il passe des auditions tous les mercredis. Le mercredi, j'arrivais avec mes partitions, j'allais auditionner. Des fois, je me faisais jeter parce que le pianiste m'a massacré. Mmh. Et puis, des fois, ça marchait. Bon, alors, etc. Cette année, à chaque printemps, je me demande si je vais pouvoir taffer un autre été. J'ai vu une scène à banque, les boules ont pas fondu souvent cette année. Je te dis, des fois j'en mange, tu veux fâcher pis de la vache enragée. Thank you. réussi à mon pouvoir, j'en fais une autre année. Le vent passant les planches, il bruit tout un toit commence à couler. On est presque en septembre, il y a la moitié du foin qui est pas rentré. Kingston, en Jamaïque, des Caraïbes, à l'Amérique, l'Europe, via les îles britanniques, en voûtant est magique, apaisant, énergique, le reggae music down, vibration, toujours bonne, je te dis, en voûtant est magique, apaisant, énergique, le reggae music down, vibration, reggae nous ramène aux vibrations de notre mère. La terre rock, steady reggae nous entraîne jusqu'à nos sens. Se libère, laisse entrer le reggae. Quand à ta porte il sonne, par la musique évade-toi de Babylone. Je te dis, laisse entrer le reggae. Quand à ta porte il sonne, par la musique évade-toi de coton, mais je n'oublie pas l'ouverture. Les vibrations aussi sont bonnes dans d'autres musiques et cultures. J'aime le jazz, le gospel, le rude, le reggae, le rock. J'aime le rock et la salsa, j'aime le rock, steady, la bossa. J'aime la bebop, le hip-hop, la pop, le jab-up. J'aime ce qui est cool, le la funk à la soul. J'aime la bebop, le hip-hop, la pop, le jab-up. J'aime ce qui est cool, le lamb, the love, la funk à la soul. Et l'éditeur, on faisait rencontrer des tas de gens. C'était une plaque tournante. Okay. Et là, chez Raoul Breton, j'ai rencontré Charles Aznavour. Okay. Je lui ai chanté ses chansons, parce que son répertoire me plaisait beaucoup. Je lui ai chanté Départ Express. Oui. J'ai pris le premier train qui partait le matin. Puis j'en ai oublié. Oublie. Bon. Ah, elle m'a dit, mais c'est bien ce que tu fais, petit gars, d'où viens-tu, etc. On est devenus copains. J'ai chanté, tout comme j'avais chanté aussi du Nougaro. J'ai chanté, mais 15 chansons d'Aznavour. Je ramassais notamment les chansons dont les autres ne voulaient pas. Les Amoureux de Péné, c'était pour Gréco. N'allez jamais à la vanne, c'était pour Dario Moreno, etc. Je me suis fait un répertoire avec les Laissés pour compte. On est devenus amis et il a alimenté une grande partie de mon répertoire. Voilà. Donc comment j'ai connu ces gens. Après, j'ai connu... Mais je ne connaissais pas Edith Piaf. Tu sais, je la connaissais une fois, elle est venue chez Raoul Boucher, Paul Becher... Tout le monde était en effervescence. C'était la diva. C'était la grande populaire. La diva, elle est entrée avec toute sa cour autour d'elle. J'ai même pas osé lui dire bonjour madame. Je ne me serais pas permis. Crime de lèse majesté. Oui, c'est madame. Non, elle m'aurait peut-être pas envoyé promener. Mais il se trouve que. Alors là, on est en 50. Oui. 51, 52, 53, 56. Pour le programme de Piaf, parce qu'il y a le gars qui passait en supplément au programme. A fait défection,

vol, c'est pas la brasse, c'est le crawl. Pour la traverser, il t'aurait fallu des épaules, du corps, du corps. Jamais deux à partir, y en a toujours un pour larguer, l'autre pour l'enquir. Au port, au port. Et puis tu te cruches avec tes pots de confiture, tu partiras en sucette mais pas à l'aventure. Au nord, au nord. Au-delà, si tu le trouves, le ramène pas au cardinal pour qu'il te l'ouvre. Encore, encore. Et puis tu te larves, je suis toi-même et je te parle. Tu es déjà grande, alors lève-toi, sors de ta cale. Au port. Il y a deux qui ronflent. Et petite fille devant, il y a les pyramides. Et petite fille derrière le génie de la Bastille. Et petite fille à ta droite, l'arc de triomphe. Et petite fille à ta droite, l'arc de triomphe. Camille, Camille, Camille, que je l'adore. J'espère que vous aussi, vous êtes sur le même diapason, sur la même longueur d'onde. Je suis sur la même longueur d'onde. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? Librement inspiré d'une citation de... De qui? De Madame Tremblay! Non, mais non, Madame Giguère! Quoique, si on ne dit pas la vérité, elle sortira par la bouche des enfants. Non, c'est Virginia Woolf. La connaissez-vous? Ah oui, ben voyons donc, la Howard's! C'est qui joue le rôle de Virginia? C'est Nicole Kidman. L'incroyable Nicole Kidman. Alors donc, aujourd'hui, oui, est-ce qu'on peut monter? Merci, descendre à côté de vous. Bon, merveilleux. Oh, oh, j'aimerais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. À ce temps-là, la vie était... Avez-vous remarqué, c'est pas dans ce temps-là, c'est de tout... dans ce temps-là, ça, c'est beaucoup plus terroir. Et je sors de mes tiroirs des belles chansons de Yves Montand. Oui, c'était dans mon temps, Yves Montand, moi. Et moi, je suis né avant même que la chanson s'organise. Oh, oui, elle voyait pas clair. Comme un bébé à la naissance. Ça voit pas clair à la naissance. Ben voyons donc, ça rit. Oh non, non, non, non, ça c'est des constrictions du visage. Ça fait... Pour ça, c'est pas des électrochocs. Ah non, non, non, non. Ben non, quand tu la regardes, ça fait... Ging, ging, ging, ging. C'est pas vrai, ça là, là. En fait, tu mets du Picasso devant lui, il va faire... C'est comme le visage qui fait des gestes involontaires. Oh mon dieu, c'est comme ton cerveau, ça. Oh, c'est involontaire, moi. Ah ben oui, les mots surgissent. Et puis, ben, c'est pas voulu. Vous avez raison, là. C'est des cassettes. Oh mon dieu, t'es-tu sur la cassette, toi? Non, moi, je suis sur le DVD. Puis on m'a dit que la semaine prochaine, là, j'allais me transplanter un Blu-ray. Oh, ouais. Avez-vous hâte? Ben, j'ai bien peur, moi, des effets secondaires du Blu-ray. Je connais un Ray, puis depuis ce temps-là, dans son cerveau, c'est la recession. Oh, mon dos. Ah, ouais, ouais, c'est pas très chic. C'est pas très beau, c'est pas très clair, c'est nébuleux, sur fond dur. Oh, faites du ski? Ah, ben, ouais, je suis très vite sur mes skis, là, mais... Quoique, tu sais que si tu fais ce sport-là... Le quoi, la narration? Non, le ski. C'est une question de fardage. Oh mon dos. Ben ouais, j'ai dit à Fardoche, qui est le professeur de fardage de mes skis. C'est lui qui contrôle, hein. En fait, moi, c'est les premiers skis téléguidés qui ne se sont jamais placés sur le marché, puisque c'est deux contrôles, hein. C'est comme ton cerveau, il y a l'hémisphère gauche... Il y a l'hémisphère droit. Puis celui du milieu, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Puis si tu essaies de contrôler ça, là, les jambes vont glisser par la qui? En parlant de ça, ça va se splitter en deux. Ah mon dieu, tu vas faire le califourchon. T'as-tu déjà fait ça, du califourchon? Ouais, à l'école, en gymnastique. Oh, et ça, c'est quoi? C'est sauter sur un cheval en bois. Et le cheval à mauvaise tête, la trottinette a fui sous toi. Ben, je me souviens même plus, là. J'étais confus à l'époque encore. Ben, voyons donc, toute ta vie, t'as été confus. Oui, mais ça fait des bonnes émissions. Ah, ben là, effectivement. Aujourd'hui... Ah, ben ça, c'est bon, ça. C'était au moins... C'est pas le moment, non. Okay. Aujourd'hui, là, excuse-moi, c'est une mauvaise cassette. Toujours mettre la bonne. Là, j'ai pas hâte de voir avec le Blu-ray comment ça fonctionne. Est-ce que ils vont m'implanter l'enregistrement ou si c'est juste de la lecture? Si c'est de la lecture, là, va être obligé de changer de lunettes, moi. J'ai des lunettes d'approche pour voir de loin. Parce que j'ai de la misère avec les lumières, moi, là. Moi, quand je suis pas une, là, tu sais, il y a la verte, ça peut devant moi, là. Il y a la rouge en haut. Mais je suis devant un feu de circulation. Bonjour, monsieur. Il pense que je parle de lui parce que je brandis le bras. Mais non, c'est pas le doigt d'honneur, mais le doigt d'honneur, là, oui. Le doigt d'honneur, madame, c'est l'oignon au pied, ça. Non, ça, c'est une autre histoire. Alors, c'est le rouge en haut, orange dans le milieu, puis vert en bas. Ça, c'est des feux de circulation. Pas des lumières, ça là. Faut arrêter de dire ça, là. Quand tu parles à d'autres francophones, puis tu dis troisième lumière à droite, là, il dit... Ouais, ça n'en est pas une. Troisième lumière. Parce que si on compte les lumières, là, c'est ce qui éclaire là, notre belle ville de Québec. Les luminaires, c'est des lumières. Des feux de circulation, c'est des feux de circulation. Alors, j'en suis fort aise et bien danché maintenant. Aujourd'hui, le petit-fils du capitaine Bonhomme nous racontera ses aventures hors normes à travers ses voyages toujours démesurés, jamais ordinaires. OK. Voici à l'instant... Pourquoi tu penses une voix de main? Ben, c'est une voix de narration. Hey, là, c'est une façon dramaturgique de reconstituer les faits que j'ai moi-même écrits avec ma propre main. Quoi qu'il était sale, oui, parce que j'avais fait de l'arduello, hein. Comme l'arduello avait pas fonctionné, j'ai continué à brasser, mais dans le frigo, fait que je suis embarqué dans le... Ouais, c'est une autre histoire, ça, là. Mais faut la raconter. Non, bah oui. Parce que là, les gens vont rester sur leur faim. Quoi que ce serait mieux de même, hein. Ouais. Mais je l'ai dit... Non, le ridicule ne tue pas, je l'ai dit au début, là. Virginia Woolf. Qu'est-ce qu'elle a dit, elle? Elle a dit à quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule. Bon. Alors moi je suis rentré dans le frigo. Hein. Avec ma Jello, parce qu'elle voulait pas fonctionner. Elle voulait pas prendre, comme on dit dans le milieu culinaire. Je lui dis prends. Ben beau lui dire des mots d'amour, là. Je vis de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Je dis, au moins elle va malaxer, ben, hein. Elle va venir à jouer à un moment donné. Et ça fait quelque chose. Dans le frigo, moi, là. Il faisait 4 degrés. Elle voulait pas fonctionner. Elle voulait pas se comment dire, hein? Ce quoi? Non, c'est pas se malaxer, c'est. Ouais. Allez-y, glissez-moi. Madame, on demande au souffleur de souffler. Pas de la neige, s'il vous plaît, le mot. Prendre, c'est ça, on voulait prendre dans la mixture, là, avoir une consistance. Oh, monsieur, bravo. On l'applaudit, on met les feuilles là, consistant. Il l'a trouvé tout seul, dans sa tête. Non, regardez, lui, il est toujours branché sur Goggle. N'importe quoi sur Goggle. Il y a des mentries là-dessus, c'est pas toujours la vérité, là. On a déjà dit, là, hein, la vérité est toujours pas bonne à dire, mais surtout, c'est pas parce que c'est écrit que c'est vrai. Ce gars-là, il a des corps! Il a des amis! Il est de bonheur encore, là. On peut pas. On pourra jamais non plus, parce qu'on se tient. Il y a de la censure. Censurette! Censurette, coupe sur moi! Savez-vous que pour la première fois, cette émission-là là, est 30 secondes retardée? Quoi, c'est mon mental? Oui! Ton mental est retardé? Ouais, ça fait 25 ans, c'est retardé, moi, là. En 67! C'est le premier match de baseball. Excusez-moi si je suis disparate, là, mais c'est la réalité. En 67, c'est le premier match de baseball la nuit. Ben, en fait, le soir. Qui a été sous des lumières artificielles. 67! Pourquoi je le sais? Parce que je suis né à cette époque et je regardais tout ce qui était extraordinaire à cette époque-là. Là. 67! Ah! Oh, l'éclair artificiel, l'éclairage artificiel. Fait qu'il y a un être qui en est né et c'est moi. Artificiel aussi, je sais pas, là. Ouais, c'est pas du tout lumineux la nuit, ça. Aujourd'hui, le petit-fils du capitaine Bonhomme nous racontera, je vous relate à nouveau les faits, là. Monsieur le juge, nous racontera ses aventures hors normes à travers ses voyages. Je commence à l'avoir, mon voyage, moi, là. Toujours démesuré, jamais ordinaire. Voici à l'instant les expéditions du Moussaillon Lascar. Oh! Moussaillon Lascar. Par en voyage, Moussaillon Lascar, vers d'autres rivages. Et monsieur, il me semble que ta caracette un peu élevée. On va baisser le. Oui, ben c'est bon comme ça. 1, 2, 3. Mexico, Mexique. OK, merveilleux. Alors, c'est l'histoire de Titi Sylvestre qui tourna sa veste de plume lorsqu'elle apprit qu'elle était en poil de chat. On sait que Titi puis le chat, là, il y a comme une rivalité. Non, mais, hey. Je regarde les bandes dessinées, moi, là, elle voit toujours des gros minets, elle, là. Pense qu'elle fabule. « Voyez des gros minets, des gros minets! » À un moment donné, elle est toute seule dans sa cage. « Je vois des gros minets! » »« Il y en a pas! »« Ben oui, il y a des gros minets! »« Ben voyons donc! » Tu souffres de délirium BS, du délirium BS. Il n'y a rien à voir. Mais oui, il y a des châteaux partout. Ils viennent tous de Rouyn-Noranda, ces chats-là. Ils connaissent leur chemin, hein. Tes écoutes, là, ils ronronnent là, avant de dire où tu restes, toi, mon petit minou. Va-t'en. Là, on l'envoie, on le place dans une petite boîte. Avec un petit plat d'eau, un petit plat de nourriture. Il va être en Rouyn. Rouyn, ça va tout seul. Pas besoin de timbre, lui. Il est déjà timbré. Alors, ben c'est ça, c'est extraordinaire, moi, là. J'ai vécu avec Titi pendant 3 semaines. Et à la fin, j'avais une tête d'oiseau. Non, j'ai jamais mangé. Ça me nourrit pas trop, moi, ces affaires-là. Moi, c'est un gros steak, là. Un steak saignant, là. Plus ça saigne, plus j'aime ça, là. Faut que ça saigne. Un steak bien cuit, c'est pas pour moi, parce que pour moi, faut que ça. Il y a 2 fois pour moi. Pour moi, tu fais de la redondance intellectuelle. Oh, ouais, ça, t'as peut-être un peu raison là-dessus. Mais là, Titi était en beau Titi. Lorsqu'à un moment donné, elle se gratouillait les aisselles. Les aisselles, hein? Aisselles. Essaye, oui. Essaye de le dire, tu vois, aisselles. Pas facile, hein? Non, ouais, il faut pas trop en mettre parce que, oui, du poivre, il y a pas de problème. Mais pour les maux de rein, le sel sous les aisselles, ouais. Un jeu de mots vilain. Ah oui, c'est pas drôle. Ah non, on aurait pu. On passe de la musique? Non, OK, ouais! Non, ouais, on dit oui, mais c'est un non. Tout ce qui est oui est non pour moi. Puis tout ce qui est non est oui. Alors donc, elle s'est rendue compte que ça lui gratouillait les ailes. Elle dit, voyons donc, il y a du poil. Elle l'a retourné. Ses petites plumes ont fait... On divisé. Se sont divisés. Pour se rendre compte que c'était elle, Sylvestre le chat. Quoique c'est un peu, on va vous raconter l'histoire rapidement, là, c'est comme Mr. Hyde, hein? Mr. Hyde, bon, tu sais, c'est de la rivalité chat et oiseau. Quoique le soir, vous pouvez être un oiseau, et la nuit, un chat. Ah, ça fait peur, hein? Ah, ça fait très peur. Ah, mais ça, c'est beau. Oh, Arta. Thank you.